Et puis au bout de 3 ans, ben, tu retournes à la case chez toi. Comment oui. ça s'est passé, cette arrivée-là, voir la famille, voir les amis que tu n'avais pas vus depuis 3 ans, voir le pays aussi? Ah oui, c'était. Ben, j'ai pris quand même de longues vacances, 4 mois de vacances. Oui. Cet hiver? Tu es allée à l'hiver? Oui, ou je suis allée en fin novembre. OK, oh, c'est parfait. Oui, juste avant la neige. Et oui, j'en ai pas mal profité. Ça a été vraiment plaisant de revoir toute la famille. Et puis, du coup, mes parents ont trouvé que j'ai beaucoup changé. Mais écoute, 3 ans plus tard... Oui, c'est quand même pas quelque chose de banal. Et puis, à l'âge où tu vas, oui. les changements sont beaucoup plus rapides qu'à l'âge où les parents sont maintenant. Oui, c'est Donc, vrai. Eux vont voir chez toi une plus grande différence que toi, tu vas voir c'est ça. Chez eux. Exactement. Sauf que, par exemple, mes petits frères, eux, par contre, j'ai remarqué beaucoup de différences parce que c'est vrai qu'on se voit sur Internet de temps en temps, mm-hmm. là, mais c'est pas la même chose. Quand j'ai revu ma famille en vrai, là, c'était comme moi. On dirait que ça fait vraiment des années que je suis partie. Mm-hmm. Mais j'étais vraiment heureuse de les revoir. Et puis, la Réunion aussi, ça me manquait. Un peu les rivières et tout ça. Le paysage aussi. J'en ai pris une bonne dose, là. Mm-hmm. De soleil aussi. Oui, aussi. Et la nourriture, surtout. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on mange? On mange très épicé. Ah oui? C'est la nourriture. Ben, la cuisine réunionnaise, c'est un mélange un peu de indien, asiatique et quoi encore? Africain, on va dire. Oh, quand même! Les trois en même temps, on va dire un peu. Beaucoup d'épices, des légumes. Oui, beaucoup d'épices, surtout de la viande. Là. Ah oui? Poulet, bœuf? Oui, un peu de tout. Un peu de tout, ok. Et puis, j'en ai profité pour manger le curry traditionnel de fin d'année, le curry thang. Et puis voilà, j'en ai profité pour prendre des kilos aussi. Ici, au Québec, oui. si tu veux te faire des plats comme à la maison, est-ce que tu trouves tout ce dont tu as besoin? Comme je disais tantôt, à Montréal, il y en a quand même pas oui. mal d'épiceries qui a des produits qu'on trouve chez nous. Et à Trois-Rivières aussi, on peut en trouver. Ah, OK. J'ai trouvé une épicerie asiatique pas loin de la gare. OK. Là-bas, on vend de la pâte à samoussa, la pâte pour faire des bouchons. Toutes des choses que je ne connais pas du tout. Oui, je suppose. On vend aussi des épices comme par exemple le Vitsen. Ça, je n'ai pas trouvé en épicerie normale. Il y a aussi des bonbons, des chips comme les chips aux crevettes, là, les croupous, nous on appelle ça. Il y en a quand même pas mal de choses. Puis il y a aussi une épicerie arabe, enfin je ne sais pas si c'est une épicerie arabe, là. Ça s'appelle Alfara. Il y a aussi quand même des trucs de La Réunion, genre des bread manioc, c'est un petit sachet congelé, j'ai trouvé ça. J'en ai quand même acheté, puis je n'ai pas encore fait le tour de tout. De tous les endroits. Oui. Okay. Et bon, je reviens à ton voyage à La Réunion. À La Réunion, là c'est le temps de repartir. Est-ce que là c'est difficile de quitter de nouveau le pays ou ça se passe assez bien de ton côté à toi? De mon côté, oui. De mon point de vue. Oui, de ton point de vue. Non, pour moi, ça a été... Pour moi, ça a été facile de retourner au Québec, de quitter à nouveau ma famille, okay. parce que 4 mois de vacances, c'est quand même long, je veux dire. Donc, tu étais prête? Oui, c'est long. Je veux dire, les 3 premiers mois, on voit la famille, on voit les amis. Après, chacun reprend son train-train quotidien. Ouais. Fait que nous, on commence à s'ennuyer, parce que c'est plus vraiment chez nous, on va dire. Donc, j'étais quand même pressée de rentrer et pareil. La première fois quand je suis partie, j'ai pas pleuré, j'étais contente de quitter La Réunion. La deuxième fois aussi, c'était pareil pour moi. Et du point de vue des parents, de la famille? Et ça, pardon. Du point de vue des parents, hein, c'était les larmes au premier départ, les larmes au deuxième départ. Absolument. C'est ça. Absolument. Ils sont jamais venus visiter ici? Non, parce que c'est quand même cher, on va dire, un billet aller-retour. C'est tellement loin. C'est ça. Mais comme moi, j'ai eu des aides pour aller, fait que c'est pour ça que j'en ai profité. Mais un jour, ils viendront visiter, ils viendront comprendre pourquoi je veux rester ici. Maintenant, pratico-pratique, là, si tu veux t'établir ici, au niveau de l'immigration, ça fonctionne oui. comment? Là, tu as déjà 3 ans oui. d'études ici. Alors, est-ce que ça rend les choses plus faciles pour devenir citoyen canadien? Ou non? Je suppose, parce que nous, on nous a dit que c'est le processus le plus sûr pour avoir la résidence permanente. Okay. On faisait d'abord nos 3 ans d'études. Ensuite, après, en ayant le DEC, on demandait notre permis de travail post-diplôme. Là, c'est ce que j'ai en ce moment, justement. Et c'est un permis de travail qui est temporaire ou qui est permanent? Temporaire, qui dure 3 ans aussi. Okay. Et durant ces 3 ans-là, je dois faire ma demande de résidence permanente okay. pour rester okay. ici. Oui. Donc ça veut dire que tu es obligé, je crois, de résider ici pour encore un autre 3 ans. Oui. Avant de pouvoir obtenir la résidence permanente. Oui, ben oui. J'ai vu que ça prend 1 an à 1 an et demi pour avoir la résidence permanente. Imaginons que je fais la demande dès maintenant, je peux l'avoir d'ici l'année prochaine. OK. Même alors, si je suis encore sur mon permis de travail post-diplôme, je veux dire. Puis, si tu trouves un travail, est-ce qu'à ce moment-là, c'est facilitant pour obtenir éventuellement la citoyenneté? Le fait que tu sois capable de travailler ici? Parce que c'est une des exigences, je pense, du gouvernement... Oui, pour la citoyenneté, j'avoue que je ne me suis pas encore renseignée, vu que je me fixe comme objectif pour l'instant la résidence permanente. Okay. Une chose à la fois. C'est ça. À chaque fois, je procède dans l'ordre. Mais je suppose que oui, pour avoir la citoyenneté aussi, je pense que ça prend quand même pas mal de temps. OK. Oui, c'est assez long. Ouais. Je connais des Réunionnais qui sont là depuis longtemps, mais pour l'instant, ils n'ont que la résidence permanente qu'ils renouvellent à tous les 5 ans, là, pour l'instant. Ah, OK. Ça fonctionne. Donc, cette résidence permanente-là leur permet de travailler ici, de oui. vivre ici. Oui. Est-ce qu'ils ont des avantages de protection, par exemple, des services de santé? Oui. Avec la résidence permanente, on a les mêmes droits que les Québécois, là. OK. Mais on paie les mêmes impôts aussi. Oui, c'est ça. Donc, on paie les impôts payer, aussi. C'est ça. Les impôts pour parler. Et là, tu es en recherche d'emploi. Oui. Est-ce que tu vises un type d'entreprise en particulier ou une ville en particulier pour te trouver de l'emploi? Ben, honnêtement, je cherche n'importe quel type d'emploi pour pouvoir me payer ma résidence permanente en ce moment. Là, c'est mon objectif vraiment. Donc, je veux dire, si je trouve dans mon domaine, c'est tant mieux. Mais pour l'instant, je postule un peu dans tout, vendeur, je veux dire, commis, un peu de tout qui a un rapport aussi avec mes expériences professionnelles. Exact. Et comme ça, quand j'aurai l'occasion de trouver un emploi en rapport avec ma formation, je m'orienterai vers là. Exact. Les endroits où tu as fait les stages, est-ce qu'il y avait oui. des possibilités d'emploi chez ces endroits-là? Oui, mais justement, l'endroit où j'ai fait mon stage, j'ai commencé à travailler là-bas. OK. Fait que j'ai travaillé juste deux ou trois mois, je crois. Comme un remplacement, là? Non, non, c'était... Normalement, c'était prévu pour que je reste là-bas. Ah, OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je suis tombée malade, là. Ah, OK. Je suis tombée malade, j'ai quand même manqué pas mal de journées de travail. Et du coup, ben, mon employeur aussi... À ce moment-là, j'avais eu des difficultés par rapport à mon DEC. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, en fait. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont connu des difficultés du même genre. Je prenais des cours à distance, moi, en même temps que mes cours au cégep. Okay. Parce que j'avais manqué des cours dans les sessions précédentes. Okay. Seulement, les cours à distance, ça fonctionne pas comme les cours au cégep. Je veux dire, Des cours de niveau collégial ou niveau oui, universitaire? Oui, de niveau collégial, mais par ordinateur sur Internet. Oui, oui, absolument. La durée de session pour les cours à distance est quand même plus longue, je pense, oui. La mienne était plus longue, fait qu'en fait, j'ai raté aussi mon cours à distance. OK. Du coup, je me voyais dans l'obligation de prolonger mon permis d'études pour pouvoir finir mon cours que j'avais manqué. Du coup, j'ai informé mon employeur pour lui dire que je ne pourrais plus continuer à travailler chez lui parce que justement, j'ai manqué mon cours. Donc, du coup, je ne pourrais pas avoir de permis de travail post-diplôme. Donc ça venait rajouter un plus sur le fait que déjà je venais plus travailler parce que j'étais malade et aussi parce que j'avais manqué mon cours. Fait qu'il m'a dit c'est correct, c'est plus la peine de venir. Du coup, moi, ça, j'en ai profité pour me soigner. Ça, c'est avant que tu ailles en vacances? Oui, ça, c'est juste avant que je suis allée en vacances. Mais après, en fait, je me suis renseignée et j'ai vu que je pouvais repasser mon cours que j'avais manqué. Je pouvais passer l'examen une deuxième fois. Vu que c'était un cours à distance, on me donnait cette possibilité. Donc, ça tombait vraiment bien. Et donc, j'en ai profité que je ne travaillais plus. Du coup, j'avais du temps libre pour réviser le cours que j'avais manqué et repasser mon cours au lieu de refaire une session entière, je veux dire. Et j'ai eu mon examen cette fois-ci et mes papiers à la fin. C'était vraiment... Mais là, t'avais quitté, là, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais obligée aussi en même temps parce que j'avais plus de papier pour pouvoir travailler chez lui, en fait. Parce qu'on arrivait à une date d'expiration au mois d'août. Mm-hmm. Mon permis d'études et travail en même temps. Oui. C'était à la même date. Du coup, je ne pouvais plus travailler chez lui quand même. Mm-hmm. J'étais obligée d'avoir mon DEC là, pour avoir exact. Mon permis de travail. Exact. Ce que tu as maintenant. Là. Oui, parce ce que j'ai maintenant. Bon. J'ai quand même lutté pour l'avoir là. Mais oui, c'était pas de tout repos la dernière année de ma dernière année ici. Mais là, la santé va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Alors, maintenant, c'est le marché du travail et trouver l'endroit c'est ça. Qui va te permettre de te développer comme citoyenne à part entière. Est-ce qu'il y a beaucoup de Réunionnais au Québec? Est-ce qu'il y a une communauté réunionnaise au Québec? Soit à Montréal ou à Québec? Je suppose. J'avouerai que je ne suis pas au courant. J'en ai vu un peu de communautés qui se regroupent un peu sur Facebook. Okay. J'ai vu aussi que l'année dernière, il y a des amis à moi qui sont allés fêter la fête CAF à Montréal. Okay. C'est une fête qu'on fête à La Réunion. Donc oui, je pense qu'il y a quand même pas mal une bonne communauté de réunionnaises au Québec. Là. Mais quand je t'entends, ce que j'entends, c'est que oui. Toi, c'est vraiment le rythme du Québec. C'est, tu t'intègres au Québec avec les Québécois. Oui, c'est ça. Je veux dire, ben, c'est sûr que j'ai des amis réunionnais. Ben, oui, c'est ce que j'ai en majorité aussi, justement. Des amis réunionnais. Souvent, je mange réunionnais aussi. Mais mon but, c'est vraiment de m'adapter à cette vie ici, à la vie québécoise, là, au final. Est-ce que tu as visité d'autres villes que Montréal et Trois-Rivières, Québec ou les plus petites villes? Québec et Montréal. Est-ce que Québec serait un endroit où tu accepterais d'aller travailler? Ça aussi, c'est un peu plus gros, un peu plus vite que Trois-Rivières. Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je me sens... C'est comme mon petit cocon, Trois-Rivières, là. Ouais, donc, je sais pas. Pas sûr.